Assise dans sa cuisine, Honorine serre entre ses genoux un lourd mortier de marbre et fait tourner rapidement le pilon de bois. Elle prépare l'aïoli. Sa jeune sœur Claudine, qui est une belle Marseillaise brune, fraîche et bavarde, met le couvert. Figure-toi qu'en descendant de la gare, je suis passée à l'inventaire. Mais Fanny n'y était pas. La coquine est allée faire un tour de promenade. C'est le chauffeur du ferry bois qui la remplace. On sonne la porte. Claudine, va ouvrir. Vous dites, Honorine, c'est un monsieur qui a un chapeau gibus. Dis, c'est peut-être un huissier. Mais je ne dois rien à personne, moi. Entrez, monsieur, je vous en prie. Hein. Oh, par exemple. Oh, Sainte Vierge, mais c'est Maître Panis. Oui, c'est moi. Bonjour, mesdames. Et bonjour, Maître Panis. Et comment ça va? Oh, ça va très bien, ma chère Claudine. Et vous-même? Eh bien, moi, ça va pas mal, comme vous voyez. Ah, moi, je vous trouve très en beauté, vous savez. Mais c'est vous qui êtes beau. Quand je vous ai vu entrer, vous m'avez fait peur. Ah, mais c'est-à-dire que je viens du mariage d'un vieil ami, Ulysse Pigeotard. Le cantier de la rue Paradis. Ah, oui. Et voilà pourquoi je suis en habit. Et gants blancs. Et gants blancs, comme vous voyez. Oui. Vous savez, ça vous va bien. Asseyez-vous, Panis. Maître Panis, mettez-vous là. Mais... Voilà. Eh bien, ma chère Honorine, puisque je suis en habit, je crois que l'occasion est bien choisie pour renouveler aujourd'hui une démarche dont le résultat aura sur tout mon avenir une importance capitale. Il se lève et enfile gravement ses gants blancs. Mon Dieu, ça m'impressionne. Surtout que je devine ce que c'est. Non, Honorine, ne te fâche pas, je ne dis plus rien. Parlez, Maître Panis, parlez. Je veux épouser votre fille. Ah, ben, vous le savez très bien, puisque je vous l'ai déjà demandé. Est-ce que vous me la donnez ou me la donnez pas? Mais voyez, on vous la donne, voyez. Et mets le toit de ce qui te regarde, toi, grosse bête. Vous savez ce qui s'est passé depuis notre dernière conversation à ce sujet? Ah oui, oui, oui, je sais. Marius, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais n'insiste plus, Honorine, puisqu'il te dit qui c'est. Peut-être que vous ne savez pas tout. Mais si, Honorine, je sais tout ce que j'ai à savoir. Tout, Panis, tout? Non, écoutez, Honorine, Marius, c'est un sujet de conversation que je n'aime pas beaucoup. Parlez-moi de la pluie, du beau temps, de la vie chère et même des impôts, mais ne me parlez pas de Marius. Et moi, vous croyez que ça me plaît de parler de lui? Moi, c'est par honnêteté que je fais allusion au fait que j'ai trouvé ma fille couchée avec lui. Oh, qu'il n'ait pas dit où, il a fallu qu'elle le dise. Mais vous pouvez pas la tenir, votre langue. Et maintenant, vous allez me promettre une chose. Laquelle? Promettez-moi que vous ne me la tuerez pas si elle vous trompe. Ah, écoutez, je suis un brave homme, Honorine. Vous venez de le dire. Mais ça, c'est un droit auquel je ne peux pas renoncer. Non, je ne peux pas. Assassin! Mais voyons, mais vous me demandez une promesse impossible. Et la tradition, alors? Mais je ne suis pas un Anglais, moi. J'ai l'âme orientale. Et si j'étais turc, alors? Mais qui est turc? Mais à Constantinople, Honorine, il n'y a pas de cocu. Il n'y a que des veuves. Alors pourquoi que vous n'avez pas tué votre première femme? Et d'abord, parce qu'elle ne m'a jamais trompé. Et ensuite, parce qu'elle faisait ma comptabilité. Voici mon dernier mot. J'épouse Fanny. Je fais n'importe quoi pour elle. Mais si elle me trompe, il y aura du cadavre dans la maison. Vous dites que sauvage? Alors c'est non, oui. Mais attendez. Naturellement, je ne chercherai jamais à savoir si elle me trompe. Cette sorte de surveillance serait indigne de moi. Et si l'on vient me donner n'importe quelle preuve, et même si on me la montrait entre les bras d'un galant, j'ai tellement confiance en elle que je ne le croirai jamais. Bravo. Voilà l'exacte position de la question. Alors c'est différent. Eh bien écoutez, j'irai vous porter ma réponse demain au soir chez vous. Bien, puis-je avoir un petit espoir? Mais un gros, Panis, un gros espoir! Il sort cérémonieusement.